La meilleure part, par Paul Bourget. Ça avait été pour Mademoiselle Augustine Ruellet une grande consolation que son demi-frère, Mathieu, fût mort du moins bravement et chrétiennement, après une existence de honte et désordre qui l'avait désespérée. Leur père, le célèbre avocat, leur avait laissé une large indépendance, 400 000 francs à chacun. Mathieu avait en outre hérité de sa mère, la seconde femme de Maître Ruellet, un peu plus de 100 000 francs, au lieu qu'Augustine n'avait rien eu de la sienne, une simple ouvrière épousée par amour, quand l'avocat était un modeste étudiant. Mais elle tenait de ce mariage romanesque une sensibilité profondément, passionnément tendre. C'est la raison pour laquelle, en 1918, au moment où se passa le petit drame que je voudrais conter, il y a 45 ans, elle se préparait à finir vieille fille. Elle avait aimé avec un dévouement qui lui avait fait sacrifier sa propre destinée, ce demi-frère, plus jeune d'elle de 15 ans, et dont la naissance avait coûté la vie à la seconde Madame Ruellet. À cause de cet enfant, à qui elle servait de mère, Augustine avait refusé, les uns après les autres, les divers partis qui s'étaient présentés. Une mauvaise grippe, prise au palais, avait emporté l'avocat, le jour même où Mathieu achevait sa 14e année. « Je lui servirai aussi de père, » s'était dit la grande sœur. Résolution, hélas, plus généreuse que bienfaisante. Continuer l'éducation que ce père avait donnée à son fils unique, c'était le gâter. Et Mathieu n'avait que trop de disposition à la dureté implacable de l'égoïsme et à la fourberie de la comédie sentimentale, ces deux vices fonciers des enfants élevés ainsi. L'enfant gâté s'habitue à se considérer comme le centre du monde. Il perd le contrôle de ses désirs. Tout lui est dû et tout lui est permis. Ayant observé que sa gentillesse a aisément raison des résistances de ses trop faibles éducateurs, il apprend à jouer de cette gentillesse. Ses grâces et ses chatteries ne sont plus que des impostures utilitaires. Comme il arrive au simulateur, il se rend de la sorte incapable de vérité. Tous les crimes de la vie privée sont au terme de cette dépravation dont le principe semble bien innocent. Savait-il l'histoire des rapports de Mathieu et d'Augustine? Grâce à la faiblesse de celle-ci, à peine si l'adolescent avait achevé ses études. Arrivé cependant à son baccalauréat, il avait soi-disant commencé son droit. Honnête prétexte pour mener au Quartier Latin une existence d'ignoble et folle crapule. Les créatures, les courses, le baccarat, les parasites de café avaient en quelques années dévoré son demi-million. Quel patrimoine résiste à l'action continue de cette prodigalité quotidienne? Les frasques de l'absurde viveur avaient été trop étalées pour que la sœur aînée, avec laquelle il continuait d'habiter, pour la forme, pût les ignorer. Sa dévotion lui en avait fait condamner l'immoralité, son bourgeoisisme, le scandale. La déraison de sa tendresse avait tout pardonné. Sa fortune mangée, Mathieu avait continué sa basse fête aux frais de cette sœur trop indulgente. Devant des demandes d'argent de plus en plus répétées, de plus en plus pressantes, elle s'était débattue. Elle avait cédé. 100 000 francs avaient été dévorés de nouveau, à travers quels épisodes de repentir et de promesses aussitôt démentis, quelles alternatives de chatterie et de bouderie, de protestations et de menaces. Et pour conclure une scène atroce, dont le souvenir, dans cette année 1918 et après 5 ans, glaçait le sang dans les veines de la pauvre demoiselle. Une nuit, le grincement d'un outil dans une serrure l'avait réveillée. Elle ouvre les yeux et voit Mathieu, qui force le secrétaire où elle enfermait ses bijoux, de l'or et quelques valeurs. Elle bouge, il s'approche de son lit. Elle avait faim de dormir, terrorisée. Elle avait aperçu, à la lueur de la lampe électrique tenue par le brigand, une lame de couteau briller dans sa main. Le jour suivant, et sans explication, elle quittait l'appartement de la rue Linnée, tout près du jardin des plantes, où elle s'était installée pour que son frère fût à proximité de l'école de droit. Elle s'en allait, mais sans donner congé, avec l'arrière-pensée qu'il aurait volé son oncle. Le drôle en avait déménagé et vendu les meubles, tandis qu'Augustine se réfugiait en province, dans une maison religieuse où il n'était pas venu la relancer. Il avait deviné qu'elle avait surpris et son vol, 40 000 francs raflés du coup, et le reste. La guerre avait trouvé la misérable femme dans cette retraite. Son frère lui avait écrit qu'il partait. En dépit de ses justes ressentiments, elle était revenue à Paris pour l'embrasser avant ce départ et lui donner tout l'argent dont elle pouvait encore disposer. Elle l'avait trouvé de glace à cet adieu. Partie, Elle n'avait reçu de lui que de rares lettres, et pour lui demander de l'argent de nouveau. À chaque permission, même requête, de l'argent encore, toujours. Et puis, le 6 janvier 1918, le jour anniversaire des fêtes joyeuses, où la grande sœur pétrissait de ses mains le gâteau des rois, peur que son frère, tout enfant, eût la fève, elle apprenait que Mathieu avait été grièvement blessé sous Cambrai. Tout de suite, grâce à la protection d'un vieil ami de leur père, elle obtenait de partir pour Amiens, où le malheureux avait été évacué. Elle arrivait à l'hôpital, juste à temps pour le revoir, vivant, mais sans connaissance. Il avait passé durant la soirée, sans qu'elle pût avoir de lui le mot de regret et d'affection, qui eût tout effacé dans son cœur. Mais il s'était confessé, il avait reçu les sacrements, et elle avait voulu voir une preuve du repentir de ce frère indigne, dans ce petit fait que le portefeuille du mort contenait une enveloppe à son nom, et cette enveloppe, une feuille en tête, de laquelle elle avait lu ces quelques lignes, datées de l'avant-veille de sa blessure. « Ma sœur Augustine voudra bien, j'en suis sûr, régler ses dernières dettes, si j'y reste. » Oui, elle avait été reconnaissante de ce suprême appel à son dévouement, jeté par l'exploiteur du fond de la tranchée. Elle avait versé des larmes de gratitude en lisant la liste qui suivait et qui représentait, à sa toujours aveugle affection, une probité et une confiance. Quelles étaient significatives pourtant ces dettes de l'incorrigible Goipeur. Il devait à des camarades, à des tailleurs, à des chemisiers, à des bottiers, à des restaurateurs. Il n'était pas jusqu'à des magasins de tabac où il n'eût, par un prodige d'escroquerie, trouvé le moyen de se faire ouvrir un compte. Tout l'argent reçu depuis la guerre, la somme était tout près d'atteindre les 6 chiffres, avait passé en grossières noces. Pour Mademoiselle Ruellé, ce suprême scrupule rachetait cet égarement. Est-il besoin d'ajouter qu'aussitôt rentré à Paris, son premier soin avait été de vendre, au cours du jour, les valeurs nécessaires pour acquitter ce reliquat qui ne montait pas à moins de 23 000 francs. À peine s'il lui restait 10 000 livres de rente, des 20 000 d'autrefois. Elle avait dû chercher des adresses, envoyer des correspondances. Après 6 semaines, cette tâche, pour elle sacrée, était accomplie, sauf pour une de ses dettes dont le libellé lui demeurait énigmatique, et par sa date et par sa rédaction. Il datait de la veille de la déclaration de guerre. 29 juillet 1914, 100 francs au père Chadefaux, chez Brigard. Et en marge, par une de ces bizarreries inexplicables qui dénoncent les soubresauts nerveux des alcooliques, Mathieu avait, en revoyant sans doute sa liste griffonnée, pour le chapeau de Nana, était-ce gourde? Ce prénom de Nana et ce commentaire ne permettaient guère le doute sur la personne pour laquelle le tapeur avait soutiré 100 francs à l'énigmatique créancier, qualifié familièrement de père Chadefaux, sans autre adresse que ces 2 mots chez Brigard. Tant que Mademoiselle Ruellé fut occupée au règlement plus important des autres dettes, elle remit l'enquête sur cette somme relativement insignifiante. Quand il ne resta plus à solder que celle-là, elle se morfondit en réflexion sur le procédé employé pour tirer la chose au clair. Elle se dit d'abord que Brigard était sans doute le nom d'une boutique où Mathieu avait acheté le chapeau. Elle chercha dans le bottin et trouva qu'aucun Brigard ne figurait à la rubrique modiste. Il y avait un Brigard marchand de parapluies rue du Faubourg Saint-Honoré. Un autre était pâtissier rue du Bac. Un troisième tenait un café rue Monsieur le Prince. Augustine décida de s'y rendre, les tristes mœurs de son frère, lui donnant l'idée qu'il avait dû fréquenter plus ou moins tous les établissements de ce genre dans le pourtour du Luxembourg. Elle déboucha ainsi, derrière le lycée Saint-Louis, où Mathieu avait fait ses études. Combien de fois l'avait-elle conduit là? Dans la vieille rue qui fait le cœur même du quartier latin. Elle n'eut pas à la suivre longtemps pour arriver devant la devanture d'un cabaret borgne, dont les fenêtres dépolies portaient, en lettres de cuivre, l'ancienne fatidique Café Brigard. Des voix de femmes en sortaient, à 7 minutes, éraillées et criardes, qui la clouèrent sur le trottoir, paralysée d'une timidité qu'elle n'arriva pas à vaincre. Elle s'éloigna, mais pour revenir. La porte était ouverte à présent, et sur le seuil, un homme fumait une pipe, nu-tête et en jaquette. La serviette posée sur son bras dénonçait son accointance avec le service du café. Le cœur battant, Mademoiselle Ruellé osa l'aborder. « Chadefaux, Chadefaux !» répéta cet homme en réponse à la question de la vieille fille. Je n'ai pas de client de ce nom-là. Mais je n'ai acheté le café que depuis 6 mois. Je vais vous appeler Prosper. Il y a 9 ans qu'il sert ici. Prosper. Voilà, patron. Clama du fond de la salle où il servait des consommations à un groupe de jeunes soldats et de jeunes femmes, un garçon à mine usée et matoise. Son œil, sagace entre ses paupières plissées, étudiait la visiteuse tandis que le successeur de Brégard lui prononçait le nom de chat de faux. Mais oui, patron, il venait ici, pas comme client, pour mendier. Vous savez bien que vous avez défendu de laisser entrer ces gaillards. C'est moi qui vous l'ai demandé. Ils nous prenaient nos pourboires. Le père chat de faux était le plus malin de tous. Il doit avoir quelques magots dans un coin. D'ailleurs, c'est tous des Crésus, ces truqueurs-là. Pardon, madame, mais vous êtes peut-être de ses parentes. Un jour que ces messieurs l'avaient fait boire, il a raconté qu'il avait eu un commerce dans la mercerie. « Je ne suis pas sa parente, » dit Augustine, « mais j'aurais besoin de savoir son adresse. » Elle ajouta, après une hésitation, « pour un service à lui rendre. »« Un service ?» répondit Prosper, haussant les épaules. « S'il vit encore, ce serait de l'habiller un peu. »« Patron, j'ai vu bien des loqueteux ici, mais comme celui-là, pas d'eux. » Pour le haillon et la crasse, il leur faisait la pige à tous. Son adresse ? Au cimetière, je croirais. Il toussait, l'autre hiver, à rendre l'âme. S'il vit toujours, et s'il n'a pas changé ses habitudes, vous aurez des chances de le trouver sous le porche de Saint-Jacques-du-Haut-Pas. Vous connaissez ? La première église à droite, en venant de la rue Galussac. Ce n'est pas une fois, c'est 20, c'est 100, que je l'ai vu là, son chapeau à la main, faisant l'aveugle, le sourd, le cul-de-jatte. Et il voit, il entend, il court comme vous et moi. J'y passais chaque matin, patron, quand je logeais du côté du Val-de-Grâce. Essayez toujours, madame. Le sacristain pourra en tout cas vous renseigner. Augustine avait sur les lèvres une autre question. Et M. Ruellet, l'avez-vous connu ? Elle ne la posa pas. Cette tabagie suspecte lui rendait vraiment trop présente la dégradation de son lamentable frère. La honte lui avait serré le cœur en écoutant le jovial Prosper. Le signalement du père Chadefaux éclairait d'un jour sinistre l'énigme de la dette contractée pour le chapeau de Nana. Mathieu avait trouvé le moyen d'emprunter à un mendiant. Était-ce possible ? Cette idée avait été si douloureuse à la vieille fille qu'elle demeura plus de 48 heures sans prendre sur elle d'aller jusqu'à cette église de Saint-Jacques-du-Haut-Pas qu'elle connaissait pour y être entrée comme dans toutes les autres. Depuis la guerre surtout, quand le hasard d'une visite ou d'un achat la conduisait devant un de ces asiles de prière. C'étaient les seuls endroits où son âme, blessée dans la plus profonde affection de sa vie et si inquiète du danger couru par son bourreau, trouva un peu de paix. Elle était allée au renseignement chez Brégard un jeudi. Le dimanche matin, à l'heure de la grand-messe, elle eut enfin le courage de remonter le jardin des plantes par cet envers de la montagne Sainte-Geneviève, tout hérissé de vieilles maisons et tout sillonné de vieilles impasses, du côté de la rue Gay-Lussac et jusqu'au porche de Saint-Jacques. Plusieurs mendiants et mendiantes se tenaient accroupis sur les marches qu'elle n'eut pas l'énergie de dévisager. Ce ne fut qu'après l'office et soutenu par l'admirable mémento des défunts où les fidèles implorent pour leur mort le lieu du rafraîchissement, de la lumière et de la paix, qu'elle revint à ce groupe des loqueteux, comme avait dit dédaigneusement Prosper, et qu'elle demanda « Monsieur Chadefaux n'est-il pas là ?»« Chadefaux, » gémit le plus vieux des mendiants. « Chadefaux, c'est moi. » Le pauvre chat de faux. Je suis bien malade, ma bonne dame. Je n'y bois plus. Je n'entends plus. Je n'ai pas mangé de 2 jours. La charité, ma bonne dame. Dieu vous le rendra. Ce boniment avait été accompagné par un chœur des autres habitués du porche, tendant leurs mains noires vers la vieille fille mobile. La charité, la bonne dame. J'ai 76 ans. Je suis aveugle. Je ne peux plus travailler. J'ai 6 enfants à nourrir. J'ai à vous parler, monsieur chat de faux. Dit Augustine en ouvrant son porte-monnaie et se débarrassant de la bande par une distribution de gros sous. « Oui, » insista-t-elle, « et tout de suite, pouvez-vous venir dans l'église ?»« Pas facilement, ma bonne dame, » continua de gémir le mendiant. « Voyez, je marche si mal. » Il tenait dans ses mains 2 cannes sur lesquelles il s'appuyait alternativement pour avancer. Mais la manière dont il levait ses pieds chaussés, par quel bienfaiteur, de gros chaussons d'étoffe à forte semelle, révélait la simulation déjà dénoncée par le garçon de café. Quel âge avait-il ? Son corps, plié en 2, lui donnait 75 ans, 80 ans, 90 ans. La vitalité de ses prunelles, d'un bleu acier, démentait cette décrépitude, à demi jouée, comme son impotence. Ses prunelles brillaient d'un éclat presque métallique, dans une face tannée, brûlée, corrodée, striée de veines variqueuses, mais rasée de frais, chose étrange. D'innombrables rides la plissaient, toutes convergentes vers la bouche édentée et serrée, et qui donnaient à ce masque une redoutable expression de méfiance, d'attention aiguë et d'âpreté. Les mains se crispaient sous la crosse des cannes, dans une flexion crochue, comme agrippante, et qui semblait ne devoir jamais se desserrer. Sur un point, le témoignage de Prosper se trouvait inexact. Le par-dessus du vieillard était bien élimé, bien sordide, délavé par les averses, décoloré par le soleil. Il n'avait pas une déchirure. De soigneuses reprises les avaient réparées, autre signe qu'une protection veillait sur lui, trop peu efficace, puisqu'il devait exercer pour vivre ce terrible métier de quémandeur ambulant. « Avez-vous connu M. Ruellé ?» interrogea Augustine, quand la porte matelassée de l'église fut retombée et qu'elle se trouva en tête à tête avec ce singulier personnage dans l'ombre d'un pilier. Au maître-autel commençait une messe basse, dont les assistants étaient peu nombreux. La vieille fille et Chadefaux n'auraient pas été plus seuls sur une route déserte que dans ce coin d'église où leur voix s'étouffait pour suivre un dialogue dont chaque parole accroissait encore l'angoisse et l'étonnement de la pauvre femme. « Vous avez son adresse, madame ?» avait répondu vivement le mendiant. « Il est parti pour la guerre il y a 4 ans, sans la laisser ni à son hôtel, ni dans aucun de ses cafés. Je n'aurais jamais cru ça de lui, surtout avec un pauvre malheureux comme moi, qui me suis ôté le pain de la bouche pour lui. « Le pain de la bouche, madame » répéta-t-il, « c'est le cas de le dire. » « Il a été tué au commencement de janvier, » interrompit Augustine, et par terreur d'en apprendre davantage sur les sinistres dessous de la vie de son frère, elle ajouta « Je suis sa sœur. » « Alors, madame, » reprit le mendiant, après un silence, durant lequel il observa son interlocutrice avec une acuité de toute sa physionomie, plus défiante encore, « alors, vous venez pour le billet ?»« Le billet ? Ah !» dit Augustine. « Mon frère vous a souscrit un billet. Je suis ici pour faire honneur à sa signature. Il m'a laissé une liste de l'argent qu'il devait. » « Votre nom y figure pour 100 francs. »« 100 francs, 100 francs !» répéta Chadefaux. « Oui, madame, s'il m'avait payé dans la huitaine, comme il avait promis. Mais il est parti soldat. Moi, je suis tombé malade. Alors ces 100 francs, vous comprenez, depuis le mois d'août 1914, ils ont fait des petits. Car enfin, quand un beau jeune homme, élégant, riche, éduqué comme M. Ruellé emprunte 100 francs, 100 francs, madame, un père Chadefaux qui vit d'aumône. Madame, vous l'avez vu ?» Des 5 centimes que lui donnent les bonnes âmes comme vous, madame, et il en faut de ces 5 centimes pour faire 100 francs. 2000, madame. Alors quand on les lui emprunte, c'est bien le moins qu'il porte intérêt. Calculez les mois, madame. Nous sommes en mars 1918. À travers ce flux de paroles, volontairement volubiles, le regard du prêteur ne lâchait pas les yeux de la sœur du débiteur. Il avait posé ses cannes, chacune sous un de ses bras, et il comptait sur ses doigts crochus. « Oui, calculez. 44 mois, ça fait 44 mois d'intérêt à 25%. Oui, 25. C'était convenu, madame. Vous comprenez, un indigent comme moi. Je vis de bons de pain que l'on vient me donner dans les œuvres. Ces 100 francs, c'était toutes mes économies. Je n'ai pas payé mon loyer depuis. Fin juillet 1915, ces 100 francs en faisaient 125. En juillet 1916, 159. En juillet 1917... « Mais je ne sais pas calculer, moi, je suis un ignorant. Vous savez, vous, j'aurais pu vendre la montre. »« Quelle montre ?» interrogea Augustine. « Vous verrez sur le billet qu'elle était à moi si je n'étais pas payé. Je ne l'ai pas vendue, parce qu'il m'a dit que c'était sa montre d'enfant. Il ne m'a pas payé à temps, elle est à moi. Je vous la rendrai tout de même pour pas cher. Elle ne marche pas, et elle est en argent. Seulement, il y a sur la boîte son nom gravé en écriture. Rapport à ça, il devait y tenir. » « Voilà pourquoi je l'ai gardée. J'ai pensé, ça lui fera plaisir de la ravoir. C'est le cœur qui m'a toujours perdu, madame. J'en ai trop. Ainsi pour monsieur votre frère. Pourquoi lui ai-je prêté cet argent? Parce qu'il était trop malheureux des scènes que cette petite Nini, Tata, Nina, je ne me rappelle plus, lui faisait à cause d'un chapeau dont elle avait envie. Tu finiras mal, ma fille, que je lui ai dit. Elle est morte à l'hôpital la première année de la guerre. C'est une de ses amies qui m'a appris ça. » Elle aussi avait voulu m'emprunter de l'argent, mais prêté aux femmes, le père chat de faux, ça, jamais. D'ailleurs, il n'a rien, le père chat de faux. Ainsi, les 100 francs. Si je vous en donne 300 pour le billet, serez-vous content ? Interrompit Mademoiselle Ruellet que le discours du mendiant d'église, soudain muet en usurier pour étudiant pauvre, épouvantait plus encore qu'il ne l'étonnait. Le nez de Chatefaux avait tressailli, sa bouche s'était serrée davantage. 300 et 100 pour la montre, fit-il, ça va. Et dans un retour de défiance, mais quand, mais où? J'ai besoin, vous savez. 12 sous ce matin, voilà ce que j'ai ramassé. Ah, les gens sont durs. Eh bien, répondit-elle, vous aurez vos 400 francs, seulement je ne les porte pas sur moi. Si vous voulez bien me dire où vous habitez, ça n'a pas d'importance, répondit le vieillard. Rendu plus soupçonneux par cette question, dites-moi l'heure où vous serez devant l'église, j'y serai. Le temps d'aller chez moi et de revenir, dans une heure. Dans une heure donc, j'aurai le billet et la montre. La curiosité de Mademoiselle Ruellet était surexcitée au plus haut point quand elle revint de la rue Linnée à la vieille église. Chadefaux ne se trouvait point parmi les mendiants qui stationnaient sous le porche. Elle avait devancé l'instant du rendez-vous, tant était grande sa hâte de revoir. Non seulement ce billet souscrit par son frère et qui témoignait des tristes procédés employés par lui pour suffire à ses dépenses, mais surtout cette petite montre d'argent dont le mendiant usurier avait parlé avec dédain. Ce prénom sur la boîte, c'était elle qui l'avait fait graver là, et dans son écriture à elle. Cette montre, la première que possédait Mathieu, elle la lui avait donnée le jour de sa première communion, et il n'avait pas eu honte d'en faire le gage d'un emprunt ignoble. De nouveau, toutes les amertumes de sa vie remontaient du fond du cœur d'Augustine. Elle allait et venait, fouillant du regard la rue Gay-Lussac, tandis qu'elle attendait le détenteur de cette relique, tour à tour, et celle de l'abbé de l'Épée, qui coupe la rue Saint-Jacques à angle droit, juste devant l'église. Un moment, elle s'engagea dans cette rue de l'abbé de l'Épée pour monter jusqu'au jardin du Luxembourg, dont les arbres encore dénudés par l'hiver se profilaient tout au fond. Si souvent elle y avait promené là, petit garçon, ce frère indigne, qu'elle n'avait jamais tant aimé, tant regretté, comme si, pour certaines sensibilités, souffrir par un être chéri, c'était le chérir davantage. Elle poussa de la sorte jusqu'au boulevard Saint-Michel, en proie à une nostalgie de cet innocent passé qui lui mettait des larmes aux paupières. Comme elle retournait dans la direction de l'église, elle vit, sur le trottoir de cette même rue de l'abbé de l'Épée, sortir d'une antique maison, comme affaissée sur elle-même, une silhouette qu'elle reconnut pour celle du mendiant usurier. Il marchait, appuyé sur une seule de ses cannes, l'autre sous son bras, en attendant de reprendre, pour exercer son métier avoué, sa comédie d'impotent. Une femme l'accompagnait. Tous deux discutaient si vivement qu'il ne remarqua point l'approche de la sœur de son débiteur, à laquelle il avait une heure auparavant refusé son adresse. Celle-ci put arriver assez près du couple pour entendre les dernières répliques d'une conversation qui lui révélait un drame moral étrangement pareil à celui qui s'était joué entre elle et son frère. Même dévouement et même dureté, celui-ci se meurtrissant à celle-là et s'exaltant dans cette meurtrissure. « Je vous dis que ce n'est pas raisonnable de sortir après ce nouvel étourdissement que vous venez d'avoir. Et moi, je vous dis que c'est vous qui me faites du mal en me donnant ces colères, à toujours me contrarier. Entendez-vous, Marie Procule Papon ? Mais je vous contrarie pour votre bien, père Chadefaux. Vous le savez trop. Quel besoin avez-vous d'aller à Saint-Jacques par ce vent qui vous congestionne ? Vous êtes rouge, rouge, vous ne vous sentez pas mal. Je me sens comme quelqu'un qui en a assez de n'être pas libre de faire ce qu'il a à faire. « Ramassez 10 sous, ce n'est pas la peine. Tant que j'aurai de quoi manger, vous en aurez aussi. Et il a entendu avec le propriétaire que vous ne payez plus de terme. Il vous donne la chambre gratis, votre vie durant. Est-ce qu'il me donnera aussi les médicaments, si j'ai cette attaque dont vous me parlez toujours? Et vous, pas davantage? Ah, vous auriez de quoi les payer, si vous n'aviez pas porté chez le commissaire le portefeuille que vous avez trouvé l'autre soir. Quand je pense qu'il y avait plus de 1 000 francs dedans, 1 000 francs. Vous ne les aviez peut-être jamais vus. Mais ils n'étaient pas à moi, père Chadefaux. Tout ce qu'on a est à soi, dit le vieillard férocement et impérieux. Laissez-moi. Voici une dame que j'ai vue à l'église et qui veut me parler. Laissez-moi. Celle qu'il avait appelée d'un ton sarcastique, Marie Procule Papon, obéit humblement à cette injonction. C'était une femme de 60 ans peut-être, toute menue, drapée dans un châle noir, avec un bonnet auvergnat sur sa tête, dont la construction carrée s'accordait avec cette coiffure conservée fidèlement après 30 ans de Paris, et avec ce prénom de Marie Procule. Elle était du plateau central, comme Chadefaux lui-même, et du même village, de ce pittoresque Nébouza, que connaissent bien ceux des baigneurs de Roya et de la Bourboule qui ont eu la fantaisie de gagner le Puy-de-Dôme par le col de la Moreno. Venue de son pays comme servante, Marie Procule avait montré tant de dévouement à une maîtresse qu'elle avait soignée plus d'un quart de siècle, que celle-ci lui avait par testament légué une petite rente. Marie Procule, sur le point de retourner à Nébouza, avait par hasard rencontré son compatriote sur les marches de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, elle aussi. Elle avait parlé patois avec lui. Il s'était plaint de sa misère. Elle en avait eu pitié. Elle l'avait revu. Il s'était plaint davantage. La vieille fille n'était point partie. Il y avait une chambre sur le même palier que celui où le mendiant logeait. Elle l'avait louée, et depuis 2 ans, elle s'était faite la servante bénévole de ce despotique et obscur Chadefaux, dont elle ne soupçonnait pas les sinistres dessous. Elle lui faisait à manger, recousait ses vêtements, elle lui coupait les cheveux, le rasait. Il acceptait cette domesticité volontaire sans jamais la remercier, de plus en plus exigeant et rapace, au point que la petite rente de Marie Procule y passait tout entière et ses pauvres économies, sans qu'il lui remît autre chose que quelques sous de temps à autre. Plus tard, Mademoiselle Ruellé devait connaître, un par un, tous les détails d'une situation trop analogue à la sienne. Les phrases entendues sur le trottoir suffisaient à lui en faire deviner le pathétique et aussi l'aspect de Marie Procule, toute consumée et fervente, avec son maigre et doux visage presque exsangue, où des prunelles bleues d'une pureté angélique mettaient comme une lumière. La sœur de Mathieu la regardait se retirer contre le mur, tandis que Chadefaux, simulant de nouveau le bon croche, s'avançait, appuyé sur ses 2 cannes. « Vous avez l'argent, madame » interrogea-t-il d'un accent plus étouffé encore que dans l'église. « Ne le montrez pas surtout, que cette femme ne le voit pas. » « Sous cette porte, là, venez, sous cette porte. » « Ah, vous avez la somme dans votre cabas. Mauvais, ça, mauvais. Ça se vole, un cabas. » « Il y a bien 4 billets de 100 francs. Donnez, donnez, que je les compte. Et mettez-vous devant moi, qu'elle ne voit pas. 1, 2, 3, 4. Parfait. Le compte y est. Bon, attendez que je les serre, là, dans cette poche de mon gilet de laine. Il me tiendra plus chaud. Hé hé. » Il riait en boutonnant ce gilet, puis sa houppelande, d'un rire profond qui découvrait ses gencives dénudées où noircissait une unique dent. « Ça tient chaud, l'argent, » continua-t-il, « c'est pour ça que les pauvres ont si froid. L'effet de votre frère, maintenant, bon, où l'ai-je mis ?»« Dans cette poche, le voici. » Et de ses doigts, qui semblaient ne se séparer de cette feuille qu'avec peine, il tendait un papier graisseux sur lequel Augustine put lire. « Je reconnais devoir à monsieur amable Chadefaux la somme de 100 francs que je lui rendrai dans les 8 jours, en foi de quoi je lui remis une montre d'argent à mon nom qui servira de gage. » Ces lignes étaient d'une écriture que Mademoiselle Ruellé ne connaissait pas. L'usurier, qui, entre parenthèses, avait donné 50 francs d'argent comptant contre ce reçu, avait tenu, toujours possédé par son autoritarisme de maniaque, à tracer lui-même le libellé de sa créance. L'orthographe justifiait la légende d'une ancienne profession bourgeoise rapportée par le garçon de café. Les caractères de cette reconnaissance étaient tracés avec une fermeté singulière et les mots 100 francs comme ciselés avec amour. Ces hautes et fortes lettres contrastaient avec la veulerie de la signature de Mathieu Ruellé, mise au bas. La date, 29 juillet 1914, était aussi de la main débile du viveur. Augustine tremblait un peu en touchant de sa main à elle cette feuille où s'étaient posés les doigts de son frère. « Et la montre ? » demanda-t-elle. « La montre ? » dit Chadefaux. « Je ne l'ai pas trouvée tout de suite. Alors j'ai eu peur de vous faire attendre. Vous savez, je suis très faible de tête. Je mange si peu. Je suis si pauvre, si pauvre. La faim me donne des vertiges. Et puis cette femme est méchante, elle est toujours là. Faites ceci, père Chadefaux, faites cela. Tout à l'heure, je n'ai pas été bien. J'ai cru m'évanouir. Mais je vais vous la chercher, cette montre. Seulement, chut, vous me promettez. » Il avait mis son index sur sa bouche et il montrait d'un clignement de ses yeux durs Marie Procule Papon toujours à l'attendre. Par crainte, sans doute, d'une nouvelle bourrade, elle regardait du côté du Luxembourg. « Je vous promets, » dit Augustine, dominée, elle aussi, par le magnétisme, « que dégageait cette personnalité si évidemment despotique. Il redoubla. « Pas un mot à elle, des 400 francs. « Je vous ai promis, » répondit-elle. « Sur la mémoire de votre frère, » insista-t-il, « sur la mémoire de mon frère. » Cette insistance à dissimuler cette inespérée rentrée de fonds en disait long sur la systématique exploitation que le mendiant usurier avait organisée autour de lui. Augustine le regarda s'éloigner d'un pas agile maintenant. Il lui tardait d'aller enfermer les billets de banque avec ceux que son avarice devait accumuler dans son taudis. Il rejoignit son esclave, quel autre nom donner à la docile Marie Procule, qui le suivit dans la maison dont ils étaient sortis 10 minutes plus tôt. Elle reparut seule après 10 autres minutes et marchant vite vers Mademoiselle Ruellet, en train de nouveau d'aller et venir. « Madame, » dit-elle, « Monsieur Chatefaux vient de nouveau de se sentir mal. Il n'a pas pu trouver la montre dont il vous avait parlé, il m'a chargé de vous prévenir. »« Vous ne pouvez pas la chercher pour lui, mademoiselle ?» interrogea Augustine. « La chercher ? Mais je n'entre pas dans sa chambre comme je veux, madame. »« Tenez, en ce moment, il s'est enfermé. C'est à travers la porte qu'il m'a crié qu'il n'était pas bien et que je descends de vous avertir qu'il ne trouvait pas la montre. »« Il faut pourtant qu'il me la rende, » insista Augustine. « Je la lui ai payée. »« Je monte chez lui moi-même. » « Ne faites pas cela, madame !» s'écria Marie Procule, qui se mit devant Mademoiselle Ruellet de manière à lui barrer l'entrée de la maison. « Il n'a jamais reçu personne que moi, et encore, pas toujours, je vous répète. Il a tant souffert, voyez-vous. Il a été riche autrefois, il a eu un commerce, on l'a ruiné. Il est brouillé avec tous ses parents, ça le rend mauvais. Il ne l'est pas, au fond. Je lui parlerai, je vous le promets. Cette montre est en argent, n'est-ce pas ? Oui. Avec un nom gravé en lettres d'écriture dessus. Mathieu. Mais il l'avait hier encore, madame, à côté de son lit. Elle ne le quitte jamais. Cela lui remonte quand il l'oublie. Il a eu bien faim quelquefois, et il ne l'a pas vendue. Je ne comprends même pas que vous ayez pu l'acheter. C'est un dépôt qu'il m'a dit. Oui, de mon frère qui vient d'être tué à la guerre. Écoutez, mademoiselle, voici ma carte avec mon nom et mon adresse. Vous êtes bonne, mademoiselle. Je le vois, je le sens. Je vous ai entendu causer avec monsieur Chatefaux. Vous avez pitié de lui. « Vous êtes pieuse aussi. » Elle montrait une épingle à l'effigie du Sacré-Cœur qui fermait le châle de Marie Procule. « Vous ne voudrez pas qu'il meure avec la conscience chargée d'un vol. S'il ne me rend pas cette montre, c'est un vol. Et puis, on ne sait jamais. Si cet homme devient plus malade ou vous, peut-être, vous ne serez pas fâché que je sois là et que je vous ai de la reconnaissance. Et si vous me rapportez cette relique, je vous en aurai beaucoup. » Elle répéta d'une voix profonde, « Beaucoup. Je vous la rapporterai. » répondit simplement l'autre. Il y avait 24 heures que Marie Procule Papon avait fait cette promesse à Mademoiselle Ruellet, et celle-ci, n'ayant rien vu venir ni personne, commença à méditer de nouveaux moyens pour reconquérir cette montre d'argent, humble et dernière relique, comme elle disait, qui lui resta de son frère. Elle hésitait entre deux démarches, s'adresser au commissaire de police ou faire intervenir un des prêtres de Saint-Jacques du Haut-Pas. Elle s'était donné un jour encore avant d'agir, quand, vers 8h30 du soir, et comme assise dans son petit salon, elle travaillait à un ouvrage de tapisserie commandé, hélas, par un marchand de meubles, l'héritière du grand avocat en était là, un coup de sonnette immobilisa soudain son aiguille. « À cette heure, ça ne peut pas être Mademoiselle Papon, » se dit-elle. Ce fut pourtant la pauvre vieille de la rue de l'Abbé de l'Épée que la bonne à tout faire introduisit et qui tout de suite commença. « Je n'ai pas la montre, mademoiselle, je n'ai pas pu la voir. Il n'a fait que divaguer depuis l'autre jour, le pauvre homme. Depuis que les Gothas viennent sur Paris, il est devenu si nerveux. Il ne veut pas descendre à la cave et il a peur. Heureusement, voici quelques jours qu'ils ne sont pas venus. Mais cette fois, ce n'est pas la peur qui le tient. Il a eu une attaque la nuit, j'en suis sûr. Avant-hier soir, il parlait encore. Hier matin, il s'est mis à dire des mots les uns pour les autres et alors... Comme je ne le comprends pas, il se met dans des colères. Je lui ai demandé s'il voulait un médecin. Il s'est fâché encore plus. Il avait la montre à côté de lui. Il l'avait retrouvée. Je lui ai dit, « Voulez-vous que je la porte chez la dame à qui vous l'avez promise ?» Il l'a prise et il ne l'a plus lâchée. Ça marchait ainsi jusqu'à 6 heures aujourd'hui, où il s'est mis à avoir une convulsion d'abord, puis une autre, puis une autre. Elles ont passé, mais maintenant, il râle. Alors c'est moi qui en ai peur. J'ai fermé la porte à clé pour que personne n'entre sans moi. Il me l'a fait jurer 10 fois. de ne pas remettre sa clé à qui que ce soit s'il était jamais malade. Et je courus chez un médecin que je connais, rue Royer-Collard. Il n'était pas là. Je suis entré chez un pharmacien qui m'a donné une autre adresse rue Monge, absent encore. Alors, comme j'étais tout près de chez vous, je me suis dit « Cette dame est si charitable, elle m'a parlé si gentiment. Elle en connaît certainement un, le docteur. Demandez par elle, ce docteur viendra. » « En effet, » dit Mademoiselle Ruellet, « mon médecin habite tout près d'ici, rue des Écoles. Nous allons y passer. Je mets mon chapeau. » Comme elle mettait la main sur le bouton de la porte, elle s'arrêta tout d'un coup. Sa bonne entrait dans la chambre en disant « Écoutez, mademoiselle la sirène !» C'était l'égota redouté par l'humble protectrice de Chalefot. Un strident et tragique ululement déchirait l'air. Il se prolongeait, s'éloignait, reprenait. Presque aussitôt, des éclats de canon succédèrent à l'avertissement, d'abord lointain, puis rapproché. La violence subite de ces tirs de barrage annonçait un danger immédiat. Les trois femmes restaient immobiles, comme paralysées par le sursaut de l'alerte. « Encore eux !» dit enfin la servante. « Je sais bien qu'on ne meurt jamais que là où ce qu'on doit. Tout de même, ils nous empêtent trop souvent. Allons, mademoiselle, il faut retourner à la cave. « Vous y descendez avec nous, mademoiselle Papon ?» dit mademoiselle Ruellet. « Non, madame, » fit Marie Procule, qui continuait de donner cette appellation à Augustine, tant elle avait prêté peu d'attention à ce qui ne touchait pas son idée fixe. « Je rentre en rue de l'abbé de l'Épée. Qu'est-ce qui s'occupera de lui si je ne suis pas là ?»« Mais puisqu'il ne se connaît plus, » reprit Augustine, « et s'il a retrouvé ses esprits, et s'il entend ce canon tout seul et cette bombe, tenez, celle-ci, ah, c'est là-bas, dans la direction du Luxembourg. Laissez-moi aller, mademoiselle. »« Mais c'est de la folie !» cria la servante. « Tenez, cet autre, à la cave, mademoiselle. Tant pis, moi j'y cours. Venez, mademoiselle, venez !» Les détonations se succédaient formidables et si voisines que les vitres tremblaient. Les trois femmes étaient à présent dans l'escalier, remplies du murmure des locataires qui déballaient le long des marches. Quand elles furent au rez-de-chaussée, Marie Procule se dirigea délibérément vers la porte de la rue, suivie, à la stupeur de la servante qui répétait « Mais c'est de la folie !» par Mademoiselle Ruellet. Le concierge avait quitté sa loge pour se réfugier lui aussi dans le sous-sol. Augustine tira elle-même le cordon et, comme l'autre lui disait, en passant la porte, « Merci, madame. Je vous suis, » répondit-elle. Le courageux élan de charité de la vieille femme du peuple suscitait une émulation dans le cœur de la bourgeoise. « Allons chez le médecin. C'est tout à côté, rue des Écoles. Il y sera certainement, et certainement il ne refusera pas de venir avec nous. Prenez mon bras, que je vous conduise. Il fait si obscur. Mais moi, mes pieds connaissent tous les pavés. Il y a 18 ans que j'habite ce quartier et cette maison. » Tous les réverbères étaient éteints, en effet. Des ténèbres opaques emplissaient l'espace où les maisons dressaient leur masse, fantômes plus noirs sur ce noir. Pas une étoile. De colossales fusées de lumière, projetées pour chercher l'ennemi dans cette épaisseur d'ombre, la rendaient comme palpable et plus sinistre. L'on entendait le crépitement des tirs de barrage redoubler d'intensité et se mêler au vrombissement des moteurs des avions en train de survoler la grande ville cuirassée de nuit. Par intervalles, une bombe éclatait, tantôt lointaine, tantôt rapprochée, et les deux femmes allaient, se tenant l'une l'autre, rasant les murs, ne parlant plus, éclairées à de certains moments par une petite lampe électrique que tenait Mademoiselle Ruellet et qu'elle éteignait ou rallumait selon les accidents du pavé. Elles avaient longé la halle au vin, contourné la place et la rue de Jussieu. Elles entraient dans la rue des Écoles. « Nous y sommes, » dit enfin Augustine, qui, voyant la porte fermée, sonna une fois, deux fois, trois fois, longuement, plus longuement. Aucune réponse. Elle frappa de son poing un coup répété sur le bois du battant. Aucune réponse encore. « Le concierge est à la cave, comme le mien. Mon Dieu, que faire ?»« Rentrez, madame, » dit Marie Procule. « Vous, Rulinet, puisque vous en êtes tout près, moi, rue de l'abbé de l'Épée. Demain matin, vous enverrez le docteur, n'est-ce pas ? Moi, je soignerai mon malade jusque-là. Du moins, il ne sera pas seul pour cette terrible nuit. « Je ne vous quitte pas, » fit Augustine. « Nous ne serons pas trop de deux. » Il n'y avait pas seulement dans ce geste la contagion d'un héroïsme de dévouement qu'une âme généreuse comme celle de Mademoiselle Ruellet devait comprendre. Il y avait la pensée de son frère, des relations, quelles qu'elles eussent pu être, qui avaient uni ce frère au grabataire de la rue de l'Abbé de l'Épée. Il y avait l'idée de la relique, de cette montre de première communion que l'usurier ne voulait pas rendre. Elle en savait assez sur lui déjà pour comprendre que Chadefaux était avare. Elle n'avait que des notions bien indécises sur cette catégorie de maniaques que la psychiatrie appelle les mendiants thésauriseurs, d'un terme paradoxal comme cette manie elle-même, perversion singulière de l'instinct de conservation aboutissant à cette saisissante anomalie, la destruction par l'épargne. Elle entrevoyait vaguement une monstruosité morale dont sa compagne de cette nuit de bombardement était la victime, et voici qu'elle se sentait comme apparentée d'âme à cette sacrifiée dont elle avait repris le bras. Le couple fantastique continuait d'aller dans les rues désertes et de raser les murs, tantôt s'abritant sous une porte, tantôt s'arrêtant pour épier le ciel, jusqu'à une minute où les tirs de barrage se firent soudain plus faibles, plus reculés, l'éclatement des bombes plus rare, et une sonnerie commença à retentir. « C'est la berloque, » dirent-elles ensemble, et elles se lâchèrent le bras. Elles étaient d'ailleurs devant le porche de Saint-Jacques du Haut-Pas. « On sera remonté de la cave, » ajouta Marie Procule. « J'avais si peur que la porte ne fût fermée et que nous ne puissions pas entrer. » « Ah, mademoiselle Papon !» dit le concierge remonté en effet du sous-sol et reconnaissant sa locataire. « Vous nous en avez fait une telle peur. Ne vous voyant pas descendre, une femme est montée vous appeler dans votre chambre, personne. » Elle est chez le père Chadefaux, qu'elle a pensé. Alors elle y est allée, elle a frappé, elle a entendu gémir, mais pas de clé. Et juste à cet instant, un fracas fait couler la maison. C'est une bombe qui tombait sur l'école des mines. Madame Poulard a dégringolé 4 à 4. Dans ces moments-là, chacun pour soi. Elle est remontée maintenant. Vous la trouverez là-haut. Marie Procule était déjà dans l'escalier, qui gravissait les marches aussi vite que l'épouvantée Madame Poulard les avait descendues une demi-heure auparavant. Elle se hâtait tellement que Mademoiselle Rouellet n'arriva qu'après elle sur le palier du dernier étage, pour entendre un grand cri et ces mots « Il est mort !» prononcés par la concierge d'abord, puis par la vieille fille qui répétait « Mort ?» Et mort tout seul, ah, je n'aurais pas dû le quitter. Chadefaux était couché sur le lit, la face tournée vers la porte, le torse à moitié hors des couvertures. La lampe à essence de la concierge, posée à terre, éclairait un visage où les yeux vitreux n'avaient plus de regard. Ce visage, dont la bouche s'ouvrait en trous noirs, exprimait la terreur à laquelle les dernières secondes de l'agonisant avaient été en proie. Évidemment, il avait perçu les rumeurs de l'alerte, l'explosion des bombes, les appels de la concierge contre sa porte, et interpréter tous ces bruits dans le sens de sa démence. Cette démence elle-même, épisode suprême de la crise dont il était mort, avait revêtu la forme de la furieuse passion qu'il avait cachée toute sa vie. Il avait pensé à une attaque contre ses trésors, car c'était des trésors qu'il conservait, entassés dans cette mansarde misérable, avec ses carreaux descellés, sa fenêtre en tabatière fermant à peine le papier déteint de ses murs. Pas d'autres meubles que 2 chaises, une table de bois et la couchette de fer où gisait le cadavre, ses 2 bras enfouis sous le traversin. « Qu'est-ce qu'il a dans ses mains qu'il ne voulait pas que l'on vît ?» dit la concierge, et découvrant le corps avec l'aide de Mademoiselle Rouellet, tandis que Marie Procule priait à genoux au pied du lit. « Une montre et un porte-monnaie » continua-t-elle. « Dieu, les tenait-il serrés ? Et ça, un portefeuille ? Ah, par exemple ? Par exemple ?» L'étonnement étranglait sa voix, et elle comptait 1, 2, 3, 4, et quand elle fut à 20 billets de 1000, et 4 de 100, 20 400 francs. Le père Chadefaux, 20 400 francs, et là ? Elle avisait une caisse en bois, cloutée et dévernie, sur laquelle le bonhomme posait ses vêtements dans un coin. Il a une clé dans le porte-monnaie. Ce doit être celle de la malle. C'est la clé. Ah ça, par exemple ! Et de la malle ouverte, elle tirait des haillons sous lesquels des liasses de titres étaient entassées. Elle déplia les premières tombées sous sa main et commença de lire. 1er janvier 1918, 15 juillet 1917, 1er janvier 1917, 1er janvier 1910, 1909, 1908. Que de coupons et pas un détaché. Mais il y a une fortune là-dedans. Et c'est vous qui héritez, mademoiselle Papon ? Vous voilà riche ? Ah, Poulard me disait bien. Il est malicieux, le père Chadefaux. Il doit avoir un magot dans un coin. Mais quel magot ? Et puis au fond, ça c'est trop drôle. Des cailloux, des clous, des bouts de bougie. Quelle idée d'amasser toutes ces saletés. Qu'est-ce qu'il pensait en faire? Mais il faut que j'aille chez le commissaire pour les sceller. Mademoiselle Papon et vous, madame, je ne peux pas vous laisser ici. J'aurai des ennuis. Le commissaire viendra tout de suite. Il doit être à son bureau, à cause de l'alerte. Nous nous occuperons de l'ensevelir. Après, ce vieux sournois. 12 mois après cet événement, jour pour jour, Mademoiselle Ruellet faisait célébrer une messe dans une des chapelles de l'église de Saint-Jacques du Haut-Pas pour le repos de l'âme du terrible homme qui avait si longtemps joué devant le porche sa comédie d'indigence pour joindre quelques sous à son trésor d'avare. 175 000 francs, avait constaté le fisc, lesquels étaient allés, Chatefaux n'ayant pas fait de testament, à un parent éloigné de l'ancien mercier. Le renseignement du garçon de café s'est trouvé exact. Chatefaux avait amassé cette petite fortune dans un commerce dont il s'était retiré vers 60 ans. C'était l'époque où l'égoïsme naturel au vieillard avait commencé d'intensifier chez lui l'instinct auvergnat de l'épargne jusqu'à en faire ce véritable délire d'avarice dont cet héritage avait révélé la violence. L'héritier n'avait rien donné à Marie Procule, dont il avait ignoré le dévouement et le dénuement, car tout le petit capital de la vieille domestique, résigné comme personne, avait été mangé par le tyran qu'elle avait cru un malheureux et dont elle s'était, par un plus noble délire, celui de la pitié, faite l'esclave. Elle était allée jusqu'à s'endetter sur sa petite rente. Par bonheur, pour la pauvre femme, un témoin s'était rencontré, capable de la comprendre et de la plaindre. La sœur martyrisée autrefois du féroce égoïste qu'avait été le prodigue Mathieu avait pris à son service la victime martyrisée du féroce égoïste qu'avait été le père Chatefaux. Marie Procule avait trouvé tout naturel de reprendre son métier de domestique auprès de Mademoiselle Ruellet, qu'elle continuait d'appeler humblement « madame » et à qui elle pouvait parler de l'avare, toujours avec la même étrange indulgence. Elle était donc là, agenouillée auprès de sa nouvelle maîtresse, et suivait cette messe d'anniversaire dans son paroissien à grosses lettres. Quand, l'office fini, elles se retrouvèrent toutes deux sur ces marges du porche, où le mendiant thésauriseur avait tant de fois assis ses loques sur la pierre froide, pour escroquer à la charité des fidèles un peu d'argent encore, elle dit « Il m'a bien menti, madame, il m'a bien tourmenté, il ne m'a rien laissé, il était bien dur. Je suis bien heureuse auprès de vous, madame. Croiriez-vous pourtant qu'il me manque ?» Mademoiselle Ruellet ne répondit rien. Elle touchait de ses mains gantées la petite montre passée à sa ceinture et qu'elle s'était fait rendre par l'héritier. Elle aussi pensait à son bourreau, à son frère. Elle aussi le regrettait. Elle se demandait, tout en marchant sur le trottoir avec l'autre sacrifié, quelle loi mystérieuse veut qu'à côté de toute personnalité dure et implacable, un dévouement se rencontre, méconnu, il le sait. Voué à l'ingratitude, il le voit, et qu'il trouve une espèce de joie amère et profonde à se renoncer, à s'immoler. Et elle songeait. « À moi aussi, Mathieu me manque. » Et regardant sa compagne, elle songeait encore, retrouvant dans sa mémoire pure le mot sublime de l'Évangile. « Tout de même, nous avons eu la meilleure part. » Paul Bourget.